L'illusion perdue par J.H. Roni-Aîné. Le jeune Georges Monclor, surnommé Zozo, prince des fournitures, parce que son père vendait en gros les matériaux et les outils qui servent à la fabrication des montres et des horloges, passait des jours heureux sur les rivages antiques de la mer Océane. Ils étaient une demi-douzaine de gamins et trois ou quatre gamines qui se retrouvaient quotidiennement sur la plage, au creux des falaises et dans les labyrinthes du palace. Le petit prince des fournitures était le plus riche. Il possédait des costumes innombrables et un bracelet-montre où luisaient des rubis et des perlettes. Sa mère, femme longue et faible, ne résistait à aucune de ses chimères. Toutefois, il n'était point blasé. Ayant reçu des félins sang pur, un estomac de dromadaire et une humeur joviale. Le soleil et le vent lui faisaient autant de plaisir qu'aux petits pauvres. Il pataugeait avec une allégresse triomphale et poussait des clameurs d'enthousiasme lorsque les vagues déferlaient ainsi que des bisons colossaux ou des ours démesurés. L'envie lui était à peu près inconnue. Il se savait joli et solide. Il était celui que préféraient les fillettes et dont les mères aimaient à caresser les cheveux. Cependant, un jour, la jalousie s'infiltra dans son âme. Il vint un petit garçon pâle comme les endives, hors les pommettes qui étaient rosées, avec d'énormes yeux verts où la fièvre allumait des flammerolles, des mains faibles et presque transparentes. Il habitait avec ses parents et deux tantes la villa des Tritons. Quand il se promenait, sa personne était l'objet d'une sollicitude extraordinaire. Comme il avait de la grâce, il inspirait aux passants et surtout aux femmes une pitié attendrie. Elle disait, en une sorte de recueillement, « Pauvre petit !» et lui souriait avec ces douceurs passionnées qu'elles ont devant une souffrance élégante. Le petit prince des fournitures ne songeait plus qu'à cet enfant. Il en rêvait. Il lui trouvait une distinction et un charme infini. Il enviait l'empressement quasi religieux du père, de la mère et des tantes, ce silence ému qui se faisait à son approche, ses regards qui le suivaient sur la plage et le long de la chaussée. Par comparaison, il se faisait l'effet d'un petit rustre brutal. Quand il entendait dire « Il est tuberculeux au deuxième degré », l'immense souhait d'être comme lui faisait palpiter Georges, si bien qu'ayant appris que de grands rhumes pouvaient donner le mal, il s'exposait, tout en sueur, au vent du soir. Il demeurait avec des habits mouillés sous la pluie, et même il se découvrait dans son lit lorsque les nuits étaient fraîches. Il réussit à se donner une bonne bronchite. Comme sa mère le savait bâti à chaud et à sable, elle ne s'inquiéta guère. Elle se borna à faire appeler un médecin quelconque, un maniaque, qui, parce qu'il avait lui-même la poitrine faible, exagérait terriblement les diagnostics. Quand il eut soigné le petit pendant quelques jours, il attira la mère à l'écart et lui dit « Je vous recommande les plus grandes précautions, madame, les soins les plus méticuleux. » Comme elle le regardait, épouvantée, le maniaque ne put s'empêcher d'ajouter « Je crains un commencement de tuberculose. » Le petit prince des fournitures s'était glissé auprès de la porte. Il avait tout entendu. Une joie fervente faisait battre son cœur. Il se répétait avec ivresse « Tuberculose, tuberculose !» Et, lorsque dans l'après-midi, ses camarades vinrent le voir, fou d'orgueil, il ne put garder son secret pour lui seul, il leur confia « Je suis comme l'autre. Je suis tuberculeux. » D'abord atterré, la mère ne tarda pas à concevoir des doutes sur la compétence du bonhomme. Pour en avoir le cœur net, elle fit appel à un spécialiste renommé. Il ne put venir que le lendemain. La joie avait eu sur le mal de Georges des effets salutaires. Il venait de passer une nuit de sommeil en profondeur, comme dit le philosophe Isoulet, et sa toux s'était sensiblement améliorée. La mère se garda bien de communiquer au survenant le diagnostic du confrère. Elle croyait que les médecins se soutiennent par devoir professionnel, et qu'il ne se donne point de démenti. Le spécialiste était un optimiste qui traitait en partie ses malades par la foi. L'aspect de l'enfant lui inspira tout d'abord cette réflexion que Georges jugea offensante. Il est rablé, ce petit homme. Il ausculta mollement, écrivit une ordonnance sur une feuille de son carnet et déclara « Nous en avons pour quelques jours », ce qui remplit de mépris le prince des fournitures. Les paroles du médecin rassurèrent un moment la mère, mais l'inquiétude reprit vite. L'examen avait été par trop sommaire. Il dit, avec un sourire timide, « Vous savez ce que sont les mères, docteur. Si c'était possible, je vous serais reconnaissant de faire un examen approfondi. » Le médecin la regarda, haussa une épaule indulgente, et sans rien dire, il refit l'auscultation. Quand ce fut fini, il déclara plus gravement que la première fois. « C'est une bronchite, madame, une bronchite, rien de plus, rien de moins. Je n'ai rien à changer à mon diagnostic ni à ma prescription. » Georges, remarquant l'air sérieux de l'homme, sentit renaître ses espérances. Dès que la mère et le médecin eurent quitté la chambre, il se glissa de réchef auprès de la porte. Il n'entendit pas la question que sa mère avait posée, mais il entendit la réponse. « Je vous affirme, madame, si vous pouvez me croire, qu'il n'y a pas la moindre trace de tuberculose chez cet enfant. C'est même, à mon avis, un sujet très réfractaire à cette maladie. Il est à peine utile que je revienne. Pour peu qu'on prenne les précautions élémentaires, la guérison se fera le plus normalement du monde. » La mère trouva le petit prince des fournitures en larmes. De gros sanglots secouaient sa poitrine. Il connaissait la forte amertume des illusions perdues. « Mon petit, mon enfant chéri !» s'exclama-t-elle en le pressant contre sa poitrine. « Tu as entendu, ce ne sera rien. » Mais lui, étreignant le cou de sa mère avec les bras désespérés, suppliait. « Écoute, tu ne leur diras pas. Ils croient que je suis tuberculeux. Tu leur feras croire, hein, jusqu'à notre départ. » C'était « L'illusion perdue » par J.H. Roni-Aîné.